الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والوجه تديو سينيور ديز اونيفير، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. سيدي أمير الأنبياء، maître, émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء. Que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, et au nom des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad المصطفى, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. ونبقى دائما مع مشاكل المسلمين المعاصرة. Et on reste toujours avec les problèmes des musulmans contemporains. سأتكلم اليوم عن سؤال يرجع دائما. Je vais aborder aujourd'hui une question qui revient souvent ou presque toujours. أنا شاب. Je suis une jeune. وخطبني شاب مسلم. Et un jeune musulman m'a demandé au mariage. ووافقت عليه et je suis d'accord pour ce mariage. ولكن أبي رفض, mais mon père a refusé. أسباب الرفض, les raisons du refus. ليس من العائلة, il n'est pas de la famille. ليس من القبيلة, il n'est pas de la tribu. ليس من البلد الأصلي, il n'est pas du pays d'origine. فرنسي مسلم, il est un français musulman, يعني ليست له أصول مسلمة, ça veut dire il n'a pas des origines musulmanes, إلى آخره, etc. تقول, elle dit, وعمري لا يسمح لي بالانتظار أكثر, et mon âge ne me permet pas d'attendre encore plus avant de se marier. وإني أفكر بالزواج به, et je pense à me marier avec lui, avec ce jeune. ولو من غير موافقة والدي, et même dans le cas où il n'y a pas l'accord de mon père, فما العمل, que dois faire ou que doit-on faire. وفي بعض المرات تقول الشاب أمام رفض والدي, parfois dans la question la jeune dit devant le refus de mon père, وضعف البشري, et devant ma faiblesse humaine, قمت معه بعلاقة سرية مع يعني مع هذا الشاب. J'ai noué une relation interdite ou une relation secrète avec ce jeune. وفي بعض المرات يكون حمل. Et parfois il y a même elle tombe enceinte. Il y a une grossesse. في الأسبوع الماضي, la semaine dernière, جاءني شاب وشابة. Un jeune avec une jeune sont venus me voir. وقال لي تزوج عند البلدية. Ils m'ont dit qu'ils se sont mariés chez le maire, c'est-à-dire dans la mairie. من غير حضور الوالد والعائلة, لأن الوالد يرفض. Sans la présence du père, sans la présence de la famille, tout simplement parce que son père refusait. الجواب, la réponse. الجواب يتكون من جزئين. La réponse se compose de deux parties. جزء للوالد. Une partie pour le père et une partie sera donnée pour la fille. Et je commence par le père. Akhi, frère, yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, prière et salut sur lui, dit idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, si quelqu'un se présente à vous dont vous êtes satisfait de sa religion et vous êtes satisfait de son comportement, فَأَنْكِحُوا, mariez-le, ça veut dire avec votre fille. إِلَّا تَفْعَلُوهُ, dans le cas contraire, si vous ne le faites pas, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ, il y aura une fitna, une discorde, une grande épreuve, un malheur sur terre avec une corruption. قالوا يا رسول الله, ils dirent au messager de Dieu, وإن كان فيه يعني فيه وفي غير دوي يبدأوا يشرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم, et au messager de Dieu, et s'il est par exemple, s'il est etc, ils vont dire ses défauts, le défaut de celui qui se présente pour le mariage. قال, Le prophète n'a pas laissé les gens dire. Makhlamchi kemlo, sallallahu alayhi wa sallam, qala, ida ja'akum man tarbawna dinahu. Ou t'khayi le nabi t'klem hak. Imagine le prophète, il parle avec toi. Et c'est vrai, il parle avec toi. Tuteur de cette fille. Ida ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu. Dans le cas où quelqu'un se présente à vous pour le mariage avec votre fille et vous êtes satisfait de sa religion, vous êtes satisfait de son comportement, mariez-le. Talat marrat, il a répété ça 3 fois. Rawahu al-Tirmidhi wa hassana. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui l'a authentifié. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ô notre Seigneur, accorde tes salutations, tes prières, tes bénédictions à notre Maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yujibu an mashakilina. Prière et salut, il donne des réponses à nos problèmes. Mundu akthara min 14 qarnan. Depuis plus que 14 siècles. Illa taf'alu. Aimerais-tu zoujoua? Illa taf'alu. Takun fitnatun fil ardi wa fasad. Si vous le faites pas, ça veut dire si vous mariez pas votre fille avec cet homme-là, qui a une bonne religion, qui a un bon comportement, il y aura une discorde sur terre et une corruption. Ça veut dire il y aura une relation secrète, il y aura une relation interdite entre ta fille. Il y aura une relation interdite entre ta fille et ce jeune. Il y aura un adultère. Il y aura un enfant d'adultère. Il y aura une discorde pour toi et pour ta fille. Et c'est toi qui vas souffrir. Et c'est ta fille qui va souffrir. Et c'est votre famille qui va souffrir. Il y aura le déshonneur pour toi. Tu as refusé de te marier ta fille avec un jeune musulman. On ne dit pas un jeune non musulman, non, un jeune musulman. Tu l'as pas fait de crainte du déshonneur, du petit déshonneur. Parce que celui qui se présente n'est pas de ta famille. N'est pas de ton pays d'origine. Laïsa min baladik al-asli. Léana au Faransi muslim, parce que c'est un Français musulman. Il a akhiré, etc. Khifta min al-ari sahir. Tu as eu peur de ce petit déshonneur. Watasabbabta fil ari al-kabir. Et tu as causé le grand déshonneur. Az-zina. L'adultère. Aïna aqlouka ya akhi. Où est ta raison, mon frère? Je te dis, Al-Bintu, laïsat bida'a laka. La fille, ta fille n'est pas une marchandise à toi. Tu n'es pas le propriétaire. Lasta anta alladhi khalaqta. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Allahu huwa alladhi khalaqa. C'est Dieu qui l'a créé. Wa wahabaha laka ka amana wa mas'uliyya kabira 'indak. Et il te l'a offert comme un dépôt, une lourde responsabilité. Et Dieu t'a précisé les règles de son mariage. C'est pas ta propre marchandise, c'est pas ton objet à toi, tu fais ce que tu veux de ta fille. Non, tu dois faire ce que Dieu t'a précisé de faire. Et tu dois respecter ce que Dieu a dit, tu dois respecter les règles de Dieu. Sinon tu es un désobéissant tout simplement, tu es un pécheur sans que tu te rendes compte. Idha ataka ar-rajul al-muslim sahib al-khuluq. Dans le cas où un musulman qui a un bon comportement se présente à toi, mon frère, fazawwij, marie ta fille. Wa khususan fi hadhihi al-bilad, et surtout dans ce pays, wa fi hadha al-asr, et surtout à notre époque, asr al-mughrayat wal-fitan, époque des tentations et des séductions fortes. وزيادة على ذلك البنت تخرج إلى المدرسة. En plus de ça, la fille sort. C'est pas comme autrefois, la fille ne sort pas. On est tranquille, elle est toujours chez elle. Je peux faire ce que je veux. Non. La fille ici sort à l'école. Sort au travail. إلى آخره, etc. ولا تعرف أنت ما يصير في غيابك. Et toi, tu ignores ce qu'elle fait pendant ton absence. Lorsque ta fille va à l'école, est-ce que vraiment elle va à l'école ou à un autre lieu? فإذا رفضت الزواج, dans le cas où tu refuse le mariage. وكانت هي تريد الزواج. Et dans le cas où ta fille désire ce mariage, فربما تقوم بالحرام. Peut-être ta fille va commettre l'interdit. أثناء خروجها, pendant sa sortie. إلا تفعلوا, si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ce mariage, تكون فتنة, il y aura une discorde sur terre et une corruption. تكون فتنة في الأرض وفساد. ويقول الله تعالى, هذا كلام النبي, c'était là la parole du prophète, prière. الآن نمر لكلام الله, maintenant on va dire ce que Dieu a dit dans un verset coranique. يقول الله تعالى وتبارك للأولياء. Dieu dit dans ce verset, Dieu s'adresse dans ce verset coranique aux tuteurs. Des femmes, c'est-à-dire son père. يقول, il dit, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ لَا تَمْنَعُوا بَنَاتِكُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ ما تمنعوهمش باش ما يتزوجوش, باش يتزوجو. إلا بغاو يتزوجو خليهم. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَا تَمْنَعُوهُنَّ أَنْ يَأْخُذْنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. إذا صار رضا بين ابنتك وبين الزوج الذي تريد, لا تأتي أنت وتمنعها. هذا كلام الله تعالى وتبارك, ما أجمله من كلام. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Ne les empêchez pas d'épouser, ça veut dire n'empêchez pas vos filles, ne les empêchez pas d'épouser leur mari, ça veut dire le mari qu'elle a aimé ou qu'elle a accepté. S'ils se sont satisfaits les uns des autres, c'est-à-dire s'il y a un accord entre eux à l'amiable les uns des autres, selon la bonne coutume, bil ma'ruf, dalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hadha kalam yaqulu Allah liman kana minkum mu'minan wa yakhafu min Allah wa yakhafu min al yawmil akhir. La yamna ibnatahu. ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم أو من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. C'est avec cela qu'on moralise celui d'entre vous qui croit à Dieu et au jour dernier. ذلكم أزكى لكم وأطهر. يعني تخلي وتزوج داك اللي بغات, أزكى لكم, حسن لكم وأطهر, وفي طهارة لكم, وما يكون الزنا, وما تكونش هاد المشاكل, وما يكونش هاد الخصومة, وما يكونش هاد القطيعة. ذلكم أزكى لكم وأطهر. Cela vous attire plus de bénédictions et vous est plus pur, c'est-à-dire le fait d'accepter que votre fille se marie avec l'homme qu'elle a accepté. Wallahu ya'lam, Dieu sait, wa antum la ta'lamun, et vous ne savez point. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. قال العلماء, les savants ont dit, من كان يرفض لابنته الزواج رغم تقدم الرجل المسلم الكفر. Les savants ont dit, celui qui refuse pour sa fille de le mariage avec l'homme qui se présente à elle, l'homme musulman, est convenable, kufr, on peut dire égal, équivalent ou apte à se marier avec elle. أفتح قوسين, j'ouvre des parenthèses. جمهور العلماء, la majorité des savants disent, بأن الكفاءة, disent que la convenance ou l'aptitude ou l'égalité ou l'équivalence, شرط لزوم في الزواج, est une condition nécessaire dans le mariage, وليس شرط صحة, et l'aptitude n'est pas une condition de validité. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière, et ça se lui dit, لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفءا. On ne retarde jamais la femme, si elle trouve pour elle un apte ou un convenable, un homme convenable, un égal à elle. Rawah al-Tirmidhi, on ne retarde pas. La tu'akhar. Il a jaou jtiyad sidada, a'ti. Rawah al-Tirmidhi wal-Hakim, rapporté par l'imam Tirmidhi wal-Hakim. Fahasab al-Jumhur, takoun ul-Kafa'a, selon la majorité des savants, l'aptitude ou la convenance a lieu dans 5 points. النقطة الأولى في الدين, dans la religion, لا تتزوج المسلمة غير المسلم. La musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman, لأنه ليس كفءا لا, parce qu'il n'est pas égal à elle, il n'est pas convenable pour elle, fiddin, en matière de religion. Et la vertueuse ne peut pas se marier avec un pervers parce qu'il n'est pas convenable pour elle. Il n'y a pas convenance. Deuxièmement, dans la liberté. La femme libre, autrefois, ne pouvait pas se marier avec un esclave parce qu'il n'est pas convenable pour elle. C'est une insulte, c'est un déshonneur pour la famille. Ou bint al-hur biwalad al-abd, la fille d'un libre ne peut pas se marier avec le fils d'un esclave parce qu'il n'est pas égal ou convenable pour elle. Laysat kafa'a. Thalithan al-nasab, troisièmement, la lignée. La tatazawwaj al-arabiyya bighayri al-arabi. L'arabe, la femme arabe ne peut pas se marier avec un homme non arabe qui ne parle pas l'arabe. Parce qu'il n'est pas convenable pour elle. Rabi'an, quatrièmement, al-hirfa, le métier. La femme médecin ne peut pas se marier avec, par exemple, un menuisier. Parce qu'il n'est pas convenable pour elle, il y aura des problèmes entre eux dans le mariage. Ou la tatazawwaj al-mujaza bi sahib shahada al-ibtidaiya, ou bien une femme licenciée qui a une licence 4 ans après le bac ne peut pas se marier avec quelqu'un qui a le CM2. Il n'est pas convenable, il n'est pas apte, il n'est pas égal à elle. Il y aura des problèmes, sûrement. Il a akhiri, etc. Wa hunaka man adafa nuqta khamisa wa hiya al-mal. Il y a des savants qui ont rajouté un cinquième point qui est la fortune. Yani, une femme riche ou qui vient de parents riches ne peut pas se marier avec un pauvre parce qu'il ne va pas assurer pour elle les conditions de vie dans lesquelles elle vivait chez ses parents. Et peut-être elle ne va pas supporter la pauvreté et elle va demander le divorce. Donc, on essaie de stabiliser le mariage le maximum possible. Qal al-jumhur. La majorité des savants ont dit l'aptitude ou la convenance n'est pas une condition de validité. Ça veut dire si une femme ne se marie pas avec un apte, son mariage est valable parce que ce n'est pas une condition de validité. Le mariage est valable dans le cas où les tuteurs l'acceptent, mais il y a un autre avis. Les ulama ghayr al-jumhur, pour les savants qui sont en dehors de la majorité, qalu al-kafa'a faqat fi ad-din. Ils ont dit l'aptitude se résume uniquement dans la religion. S'il a une bonne religion, s'il a un bon comportement, on l'accepte. On ne regarde pas le reste. Wa rubbama hadha ar-ra'yu yuwafiq halana fi Faransa. Et peut-être c'est ça ta vie là qui est conforme ou qui convient à notre état ici en France. Idan qala al-ulama الأب إذا رفض الزوج المسلم رغم أنه كفر. Les savants ont dit si le père refuse l'homme musulman convenable, يصير فاسقا. شكون اللي يصير فاسقا؟ الأب. Ils ont dit le père devient un pervers. وتسقط ولايته. Et sa faculté ou sa qualité de tuteur est éliminé, il perd sa qualité de tuteur. يعني تسقط ما يبقاش ولي لهذه البنت هذه. لأن هذا فاسق. يتقدم واحد مسلم عنده خلق وعنده كفء لبنته وما يزوجوش صار فاسقا. تسقط ولايته يعني يجوز لابنته أن تتزوج من غير حضوره. Ça veut dire les savants ont dit sa fille peut se marier sans le tuteur, sans le père, sans sa présence. لأن الأب يمنع البنت من شيء أحله الله لها. Parce que ce père interdit à sa fille quelque chose que Dieu lui a autorisé. ولأنه من حيث لا يشعر يدفع للحرام. Et parce que sans se rendre compte, il pousse sa fille à l'interdit. أما أبو حنيفة رضي الله عنه, tandis que أبو حنيفة, que Dieu soit satisfait de lui, فيقول بأن البنت البالغة العاقلة لا تحتاج في زواجها لولي. Il dit que la fille majeure, raisonnable, qui n'est pas folle, raisonnable, n'a pas besoin d'un tuteur dans son mariage. Et il se peut que cette école, ce rite hanafite, convient plus à notre état, c'est-à-dire aux musulmans en France. Je parlais avec le grand savant, al-Sheikh, docteur Saïd Ramadan al-Bouti, faqala li, il m'a dit, law mana al-abu ibnatahu min al-zawaj, dans le cas où un père refuse ou empêche le mariage à sa fille. Fazanat, et par la suite la fille a forniqué. Fazina yuktabu lil ab. La fornication sera inscrite pour le père. Fahuwa sharik, il est associé à sa fille dans cette fornication. C'est lui qui a poussé sa fille. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq. Allahumma inna nas'aluka al-huda. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى آمين. أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu أقول في الجزء الثاني من الجواب je dis dans la deuxième partie de la réponse أختي sœur التقيت برجل غريب tu as rencontré un homme étranger قال لك كلاما عذبا. Il t'a dit des paroles douces. Fasaddaqti. Et tu as cru à ces paroles. Wa ahbabti hadha ar-rajul. Et tu as aimé cet homme. Akthar min hubbiki lilladina ahabbuk. Tu l'as aimé plus que ton amour pour ceux qui t'ont aimé. Abiki, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Abiki wa ummiki ahbabti akthar min hubbik li abik. Wa ummik wa ikhwanik wa akhawatik. A'ilatuk. Ya ukhti tuhibbuki min ghayri maslaha. Je te dis, ma sœur, ta famille t'aime sans intérêt. Elle n'a aucun intérêt en toi. Elle ne cherche aucun intérêt. L'amour est pur de la part de ta famille. Liannaki ibnatuhum, parce que tu es leur fille. Wa yudafi'una an maslahatik. Et ta famille défend tes propres intérêts. Wa lihada rubbama rafada abuki hadha az-zawaj. C'est cette raison peut-être pour laquelle ton père a refusé ce mariage. Li'annahu yabhath 'an maslahatik. Parce que ton père ne cherche que ta que ton avantage ou ton intérêt. Wa ya'rif bi tajribatihi ma la ta'rifin. Et ton père connaît avec son longue expérience ce que tu ignores. Amma hadha ar-rajul al-gharib. Tandis que cet homme étranger, fayuhibbu fiki maslahata. Il aime en toi son propre intérêt à lui. أختي لو تزوجت بهذا الرجل dans le cas où tu te maries avec cet homme étranger فزواجك حسب مذهب أبي حنيفة زواج صحيح إسلاميا ton mariage selon le rite d'Abu Hanifa est un mariage valable islamique ولكن أختي ربما بهذا الزواج ستقطعين العلاقة أبديا مع أبيك وعائلتك mais peut-être à cause de ce mariage tu vas couper à jamais ta relation avec ton père et avec ta famille. وأسألك et je t'interroge ma sœur أختي تخيلي لو فارقك هذا الرجل الغريب بعد شهر سنة أو سنتين. Imagine avec moi ma sœur si cet homme étranger que tu aimes maintenant s'il te t'abandonne après un mois de mariage, après une année, après deux ans, que vas-tu faire? Satusbihina min ghayri a'ila. Tu vas devenir sans famille. La walidik wa ikhwanak, qata'ti ma'ahum, ni tes parents, ni tes proches et ta famille parce que tu as coupé avec eux, wa la zawjiki faratak, et ni ton mari parce qu'il t'a abandonné. Fa hal hadha ar-rajul al-gharib yastahiqu min tarafiki. كل هذا المجهود est-ce que cet homme étranger mérite de ta part est-ce qu'il est digne de mériter de ta part tous ces efforts كل هذا التنازل est-ce qu'il mérite est-ce qu'il est digne de mériter toutes ces concessions تقطعين مع عائلتك tu coupes avec ta famille أختي ma sœur قوتك أمام الرجال هي عائلتك ta force devant tous les hommes c'est ta famille ومن غير عائلة فأنت بلا قوة. Et sans famille, tu n'as aucune force devant les hommes. فكري جيدا. Réfléchis bien. قبل اتخاذ القرار. Avant de prendre la décision. وفي الأخير. Et à la fin, أقول للأب وللبنت. Je dis au père et à la fille. حاول التفاهم. Essayez entre vous de vous comprendre. حاول الحوار. Essayez le dialogue. واتقوا الله. Craignez pieusement Dieu. لا تشتتوا العائلة. Ne dispersez pas. Ne déchirez pas la famille. وأقول للأب. Et je dis au père. يا أخي. Au frère, bintouk, wasalat sin al-zawaj. طافي a atteint l'âge du mariage او اكثر هو dépassé l'âge du mariage 25 ولا ما على باليش ولا تستطيع ان تنتظر اكثر et ta fille ne supporte plus attendre plus que ça وتستحي منك et ta fille a une pudeur à ton égard et pudique à ton égard ne peut pas te dire ça تستحي ان تقول لك هذا ta fille sa pudeur l'empêche de te dire cela وَإِنَّ الْحَلَّ بِيَدِكَ et la solution se trouve entre tes mains فَكُنْ فِي الْمُسْتَوَى soit au niveau سَاعِدْ إِبْنَتَكَ aide s'il te plaît ta fille وهذا لمن عنده المشكل الآن ceci pour ceux qui vivent maintenant ce problème ولكن لمن كان المشكل عندهم في الماضي أطفقت العائلة mais ceux qui ont vécu ce problème dans le passé et maintenant la famille est déchirée le père ne parle plus avec sa fille أقول له je lui dis اتق الله crains pieusement Dieu مشي من اليوم تصالح مع بنتك par à partir d'aujourd'hui et réconcilie-toi avec ta fille elle est mariée alhamdulillah égorge aujourd'hui الشيطان ذبح اليوم الشيطان ونقول البنت مشي اليوم حاولي تصالحي مع باك et je dis à la fille essaie d'aller aujourd'hui pour te réconcilier avec ton père Allah يقول Dieu dit والصلح خير la réconciliation est meilleure اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا من لا إله إلا أنت كثرت المشاكل هنا في فرنسا يا رب اجمع شمل العائلات يا رب رشد البنات يا رب اهدي البنات لما يرضيك واهدي الآباء لما يرضيك يا رب لا تشتت شملنا يا رب اجمع شملنا ووحد كلمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة